il y avait une fois un type qui était venu avec un petit manège qui fallait tirer les cordes pour le faire marcher. Et on appelait Boisse, ce type. Et alors, il est venu... Ça, c'était pas un manège comme ça, pas un instant, mais c'était une merveille. Il y en avait quatre, et puis tout le siège pendu comme un grand parapluie. Comme... Ouais. Alors, allez, alors, il y en a qui disaient, mais ils ne devaient pas faire pire, ceux qui tirent les cordes, mais pensez-vous. Allez, tirez les cordes, mes enfants, allez, et puis ça filait. C'était les enfants qui tiraient les cordes. Oui, oui, oui. Ou c'était, non, mais c'était eux qui faisaient avancer le manège. Oui, oui. Et puis alors, quand ils lâchaient les cordes, lâchaient les cordes, mais c'est qu'il y en a qui ne lâchaient pas. Alors, ils se pendaient au fauteuil. Ils étaient à deux. Et ils arrêtaient quand même, parce que les gosses, quand même, ils se laissaient. Alors, une fois, il y a des grands, ils me disent, attends, ils les scratchent en son manège. Ils ont monté, et il n'y avait que des grands, parce que. Et tirez les cordes, et ça tournait, vous savez. C'est pas bien joli ce que je vais vous dire, mais il y en avait un. Il a pris mal au cœur et il a osé. Et oui. Si vous avez entendu parler. Mais tu vois, quand on veillait, hein, éveillait, c'était des histoires comme ça. Oui, pardon. Alors que quand tu vas dans les endroits où on te parle de nos vies ou quoi, hein, bon, ils parlent de contes, ils s'imaginent. Ouais, on veillait, c'était des histoires comme ça.